Thank you. Already gonna bust it. Les paroles. Est-ce que vous êtes Rastafari? ganja. Est-ce que vous aimez la ganja? Time when we live from the past, no man fits through the broken law, and now we die to notice what people understand and dream of a perfect man, perfect man, perfect man. Whoa, whoa, whoa, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Est-ce que vous êtes Rastafari? Est-ce que vous êtes Rastafari ou pas Rastafari? Est-ce que t'es Rastafari? Rastafari. Allez, viens fumer la ganja avec moi. Rastafari, Rastafari. Allez, un dernier tour avant de partir. Je vous ai demandé, est-ce que vous êtes Rastafari avec moi? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Rastafari, dans ton coin là-bas. Est-ce que t'es Rastafari, là-bas? Et Smokey, est-ce que t'es Rastafari? Et toi, oh, est-ce que t'es Rastafari? Et Fred, est-ce que t'es Rastafari? Oula. Et Zig, est-ce que t'es Rastafari? Et Sonic, est-ce que t'es Rastafari? Et Rocky, est-ce que t'es Rastafari? Ce soir, c'était les États-Unis dans le live la France. En unité, main dans la main, avec l'esprit Rastafari. Rastafari, Rastafari. Bonsoir, les Rastafari. Rastafari, est-ce que vous êtes Rastafari? Est-ce que t'es Rastafari, Sonic? Rastafari, Jack. Rastafari, Jamaica. Thank you. Thank you. Thank you.